C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeune qui se tient tous les lundis à partir de 17h sur la radio Isanganiro. Aujourd'hui, on va parler du corps féminin et de son hygiène, surtout pendant la période des menstruations. Depuis 2014, chaque 28 mai se déroule la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Le choix du jour 28 représente le nombre de jours moyens du cycle menstruel. Le mois de mai est le cinquième de l'année, comme le nombre de jours moyens de la durée des règles. Celles-ci peuvent durer de 2 à 7 jours. Au-delà des changements ressentis dans le corps, qui varient d'une femme à l'autre, l'accès aux protections hygiéniques est inégal selon les niveaux de vie. Ici au Burundi, quel est l'état actuel en ce qui concerne l'hygiène corporelle? Est-ce que les jeunes filles comprennent de la même façon cette période des menstruations? Quelles sont les conséquences qui peuvent résulter du manque de protection hygiénique pour les jeunes filles? Pour tenter de trouver des réponses à ces questions, nous sommes dans nos studios avec Dr Jean-Éric Ngabilano, coordinateur de projet de santé sexuelle et reproduction des adolescents et des jeunes, Hinduka ou Hindulawandi, au sein de l'organisation Santé, Communauté, Développement, SACODE en sigle. Bienvenue Eric. Merci beaucoup. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti et à l'animation de cette émission, c'est Alida Ndaikeza. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, forumjeune.radio.isanganiro. Bienvenue encore. Pour aborder les différentes questions qui entourent notre sujet, commençons par une première question, Eric. D'après votre expérience sur terrain, comment les jeunes burundaises sont mises au courant de cette période des menstruations? Merci beaucoup. Les jeunes, d'abord, ne sont pas informés correctement sur la période des menstruations. Mm-hmm. Donc, le premier problème, c'est le manque d'information eu égard à cette période des menstruations. Mm-hmm. Est-ce que ce manque d'information, c'est dû à quoi concrètement? C'est dû d'abord que en grande partie, tout ce qui est en rapport avec le sexe, en rapport avec les menstruations, c'est d'abord un facteur qui est tabou dans notre société. C'est la première barrière. Donc, on peut dire que la culture burundaise est un frein à la communication par rapport à ce qui est lié à la sexualité? Absolument. Oui. Et comment vous faites pour communiquer par rapport à cela alors? Alors, ce que nous faisons ici, je vais dire au sein de notre organisation, nous faisons des enseignements. Nous allons dans les écoles où nous appelons les jeunes au siège de notre organisation. Mais quand même, ce sont des jeunes que vous avez déjà identifiés comme des jeunes faisant partie de l'âge qui a déjà eu des menstruations quand même. Bon, pas forcément toutes les filles qui ont déjà eu des menstruations, mais le paquet est destiné à toutes les filles, même aussi les garçons sont interpellés. Et comment vous travaillez avec ces garçons? Parce qu'ils ont une part de responsabilité dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Je pense qu'on va y arriver. Mais le paquet est destiné à toutes les filles, parce qu'il faut savoir c'est quoi d'abord les menstruations et comment je vais m'y prendre. Justement, en parlant de cela, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Vous leur dites comment, c'est quoi ce changement du corps, c'est quoi? La fille ou le garçon, tous nous évoluons. En évoluant, il y a des changements corporels, émotionnels, qui varie en fonction de l'âge. Donc, il faut d'abord leur dire que le corps évolue et change. Est-ce que cela est facile pour elles de comprendre, de bien accueillir ce changement? Oui, si j'essaie de répondre en prenant, par exemple, à toutes les équipes que j'ai déjà enseignées. Mm-hmm. D'abord, ils ont soif mm-hmm. de savoir mm-hmm. ce qui est bien. Mm-hmm. Et les discussions sont interactives. Donc, le soif de savoir est là. Ce qu'il faut leur dire, c'est effectivement de leur dire que le corps évolue et change. Mm-hmm. Mais change comment et évolue comment. Mm-hmm. Et ça change d'une façon normale et mm-hmm. biologique. Mm-hmm. Il faut partir du principe que chez les filles, mm-hmm. le cycle menstruel ou la période des menstruations mm-hmm. est une période inhérente mm-hmm. à leur vie. Mm-hmm. Donc, vous leur expliquez comment ça va évoluer. Est-ce que quand vous entrez en contact avec ces filles, ces jeunes filles, est-ce que vous ressentez que c'est la première fois qu'ils échangent sur ce sujet? Bon, c'est pas toujours la première fois, mais certaines disent qu'ils ont déjà entendu parler mm-hmm. De menstruation, que ce soit à l'école, que ce soit de la part de leurs grandes sœurs, mm-hmm. des groupes au niveau scolaire, mm-hmm. où peu de filles disent qu'ils ont eu l'information de par leurs parents, mm-hmm. justement, la majorité. En parlant de cela, est-ce oui. que les parents ont une part pour ce qui est de la communication ou de faire connaître cette période à leurs enfants? Absolument. Mm-hmm. Et en grande partie, pour moi, je dirais que ça, c'est d'abord aux parents de pouvoir informer les enfants de mm-hmm. ce qui est la période ou de ce qui va arriver mm-hmm. au cours de l'évolution. Mm-hmm. Mais le problème est, est-ce que les parents eux-mêmes ont mm-hmm. la vraie information Justement, à donner? Parce que la plupart des fois, on dit que c'est pendant les règles qu'on peut tomber enceinte. Absolument. Mm-hmm. Mais c'est pas ça la réalité. Donc, mm-hmm. on est d'abord, la grande majorité de nos parents, ils mm-hmm. Sont pas passés par le banc de l'école pour mm-hmm. donner la bonne information mm-hmm. par rapport aux menstruations ou à l'hygiène menstruelle. Donc, mm-hmm. c'est un premier défi. Deuxièmement, nous avons cette culture de disséminer ce qu'on a eu de nos parents. Donc, mm-hmm. ils ne sont pas instruits. Mm-hmm. Ils ont eu... Il y a des croyances et des... Qui disent que pendant cette période, les filles sont impures. Oui, oui, donc mm-hmm. Qui datent de nos ancêtres. Mm-hmm. Donc, il y a cette transmission d'une culture, mm-hmm. de ne rien dire mm-hmm. pour une meilleure prise en charge. Mm-hmm. Donc, une culture, je dirais, d'une façon qui va essayer mm-hmm. d'écarter, de discriminer mm-hmm. la jeune fille mm-hmm. ou nos mères. Mm-hmm. Parler des menstruations, c'est aussi parler de protection hygiénique. Oui. Est-ce que cela est vraiment facile d'accès à ces jeunes filles, d'avoir ces produits? Non, ce n'est pas une chose qui est facile. D'abord, et pourquoi cela? D'abord, il y a des limites, mm-hmm. je dirais, des limites sociales, il y a des mm-hmm. limites économiques, mm-hmm. surtout économiques, parce que pour ce qui est de la prenons des filles et des mamans qui sont dans les capitales mm-hmm. ici dans la capitale par exemple de Bujumbura, ils ont plus ou moins cette facilité mm-hmm. de pouvoir s'acheter les serviettes hygiéniques commercialisées mm-hmm. communément appelées les Kotex mm-hmm. mais en milieu rural, ce n'est pas toujours facile. Et ils font recours à quoi? Ils font recours à des pagnes de nos vieilles mm-hmm. mamans qui sont usées. Mm-hmm. Donc, ils vont assembler des petits morceaux de mm-hmm. pagnes mm-hmm. qu'ils vont assembler pour essayer de bien gérer les menstruations. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences par rapport à l'utilisation de ces pagnes, de ces bouts de tissu, de ces chiffons? Dans les conséquences sont là. Mm-hmm. D'abord, est-ce que ces pagnes, ces bouts de tissu, ces mm-hmm. chiffons, comment ils sont fabriqués, comment ils sont lavés? Mm-hmm. Parce que il faut d'abord une très bonne hygiène, mm-hmm. parce que ça, une mauvaise hygiène, ça conduit à mm-hmm. des conséquences mm-hmm. qui sont pas bonnes, et des conséquences qui sont néfastes pour la santé. Mm-hmm. Donc, il faut une bonne hygiène de tout ce qu'on va utiliser pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Mm-hmm. Comment ils vont utiliser ces tissus? Est-ce qu'après l'utilisation, la conservation, le lavage, ça se fait comment? Mm-hmm. Tout ça, ça concourt à la gestion de mm-hmm. l'hygiène menstruelle. Mm-hmm. Prenons le cas d'une jeune fille qui est dans une commune très éloignée, qui n'est pas au centre de la province. Oui. Si elle n'a pas accès à ces produits hygiéniques que l'on vend, qu'on commercialise ici dans les boutiques, oui. et que vous dites qu'il ne faut pas faire recours à ces bouts de tissu, mm-hmm. quel autre recours elle peut faire? Merci. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire recours à ces mm-hmm. bouts de tissu. Mm-hmm. J'ai dit... Il faut mieux les laver. Oui. Mm-hmm. Quelle est la prise à charge, quel est le meilleur moyen mm-hmm. d'utiliser ces tissus? Mm-hmm. Combien de temps, combien de fois par jour? Voilà. Mm-hmm. Combien de temps, combien de fois par jour, ça mm-hmm. dépend de la façon de la jeune fille ou la maman mm-hmm. saigne. Mm-hmm. Donc, le meilleur moyen, c'est de ne pas les enlever ou de ne pas les changer mm-hmm. quand le bout de tissu est... n'est pas encore rempli. Complètement mm-hmm. rempli, mm-hmm. parce que ça va passer à côté et salir les autres vêtements. Mm-hmm. Donc, la fille ou la maman sait mm-hmm. combien mm-hmm. et comment elle saigne. Mm-hmm. L'essentiel est de savoir, est-ce que je saigne comment mm-hmm. pour ne mm-hmm. pas salir d'autres ou pour ne pas tâcher mm-hmm. sur mm-hmm. les tampons que j'ai utilisés. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et donc, les changer quotidiennement, c'est incontournable. Pas même quotidiennement, mm-hmm. mais plusieurs fois par plus de... Donc, ça, j'ai dit que ça dépend de la façon. Ça peut aller à 2 à 3 fois par jour. Mm-hmm. Il faut les changer. Mm-hmm. Il faut les laver. Il faut se laver également. Mm-hmm. Il faut les laver avec du savon. Et il faut les sécher sous mm-hmm. le soleil pour que les microbes mm-hmm. pour qu'il n'y ait pas pullulation de microbes. Mm-hmm. Donc si actuellement, si même ils les utilisent pour les laver, les faire sécher, mm-hmm. ils les sèchent pas n'importe où, n'importe comment. Sous le soleil, mm-hmm. c'est un autre problème. Mm-hmm. Parce que si vous les séchez dans un coin qui est humide, vous favorisez la pullulation microbienne et mm-hmm. qui va conduire, lorsque vous réutilisez mm-hmm. ces tampons, mm-hmm. à des infections, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. Ça concerne celles qui utilisent les bouts de tissu. Oui. Et pour ceux qui se trouvent au centre des communes, dans les capitales, oui. pour les protections hygiéniques, oui. les garder longtemps, ce sont les mêmes conséquences ou c'est différent? Puisque bon, ce sont des protections commercialisées ici dans les capitales. Ce sont des protections qui sont commercialisées. Mm-hmm. Donc, les utiliser, le principe est le même. Mm-hmm. Parce que c'est toujours l'hygiène. Mm-hmm. Il faut être dans de bonnes conditions. Mm-hmm. Il faut voir combien je saigne. Parce qu'il y a des filles qui saignent beaucoup et qui font changer les tampons 2 à 3 fois par jour. Mm-hmm. Donc, c'est le même principe. Mm-hmm. Et il ne faut pas oublier également que le corps réagit différemment face à ces produits qu'on utilise. Mm-hmm. Il y a des filles et des mamans que j'ai déjà vues qui viennent mm-hmm. même en consultation mm-hmm. pour des allergies face à mm-hmm. ces tampons qui sont commercialisés. Donc, mm-hmm. la gestion, l'hygiène, ça va. Que ce soit pour... Les bouts de tissus, les contextes qu'on connaisse déjà. Oui. Mm-hmm. C'est toujours, le principe est toujours le même. Mm-hmm. Je demande une transition et nous revenons dans notre studio. Captez Isanganiro, écoutez la différence. On a compris qu'il y a vraiment des questions que vous avez déjà rencontrées de votre expérience sur terrain en étant en contact avec les jeunes filles. Mais à part ça, c'est sur quel axe doit être mis plus d'efforts pour aider les jeunes filles en période de menstruation? Pour moi, je pense qu'il y a, beaucoup d'axes. Hein. Mm-hmm. C'est d'abord que les jeunes filles, mais aussi les mamans, mm-hmm. Mm-hmm. Il faut que les aient accès d'abord à l'information, mm-hmm. et la vraie information. Mm-hmm. Alors ça. Et cette information peut être trouvée où? Bon, ou chez qui? C'est à nous, mm-hmm. Les prestataires de soins. Mm-hmm. C'est aux parents, mm-hmm. s'ils sont informés. Mm-hmm. C'est aux éducateurs, je veux dire les enseignants, mm-hmm. et c'est au pouvoir public et mm-hmm. le ministère de la Santé et de l'Éducation et de prendre en charge cette responsabilité, de pouvoir informer notre jeunesse de ce qui est bon pour leur santé. Mm-hmm. Oui. Et comment on peut opérer pour ne pas essayer de diminuer le tabou qui entoure cette période? C'est d'abord essayer de démystifier mmh. tout ce qui entoure les menstruations mmh. Pour les filles. Il faut le dire que c'est physiologique seulement. Oui, c'est physiologique et c'est normal. Mmh. Oui, et partir du principe qu'il faut que d'abord ça soit dit au niveau de nos familles. Mmh. Parce que pour moi ça m'étonne, parce que tu entendras les parents dire aux enfants, mm-hmm. tu sais, il ne faut pas aller manger là, ici et là, en dehors de la famille. Mm-hmm. Il y a de peur qu'on t'empoisonne. Qu'on empoisonne, mm-hmm. ou je ne sais pas quoi. Mais mm-hmm. ce qui est normal, on a peur de le dire. Mm-hmm. Une question m'a été posée. C'est difficile d'aborder ce sujet au niveau familial. Et on a peur qu'on puisse inciter mm-hmm. nos jeunes à des pratiques qui ne sont pas bonnes. Mmh. Donc, parler de menstruation, ça revient à parler de la sexualité. C'est ça. Mmh. Mais c'est pas ça. Mmh. Il faut les éduquer. On nous éduque. Les parents interviennent pour dire, pour transmettre le message à la plupart des filles mmh. lorsque ces filles-là ont déjà mmh. eu. Mais ils ne le font pas avant. Ils ne le font pas avant. Mm-hmm. Ce qui peut peut-être causer un choc chez les filles. Parce que te réveiller un bon matin et oui. avoir du sang qui coule sur toi, c'est un peu... Oui, c'est mm-hmm. un peu gênant. Et il y a aussi ce fait qu'on commence actuellement l'école à très bas âge. Mm-hmm. Donc on peut avoir ces règles, le début des règles mm-hmm. à l'école, mm-hmm. n'importe où. Mm-hmm. Et si on n'est pas informé de ce qui se passe, mm-hmm. c'est vraiment très malheureux de la gestion pour la jeune fille qui voit ses premières règles arriver en cours de route ou à mm-hmm. l'école. Mm-hmm. Oui. On a compris par votre développement qu'il faut intensifier beaucoup d'efforts sur la communication entre parents et jeunes filles. Oui. Et pour les jeunes garçons, il n'y a pas à les sensibiliser sur cette question? Oui, oui, il faut également les sensibiliser. Je l'avais dit avant que mm-hmm. la responsabilité même, c'est pour le sexe masculin, y est. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à enseigner, les garçons m'ont demandé, même les filles ne comprenaient pas pourquoi lors des séances, mm-hmm. les filles étaient à côté des garçons. Mm-hmm. Mais je les ai dit, pourquoi faut-il comprendre, et les garçons et les filles, ce qui est des menstruations et du cycle menstruel? Mm-hmm. C'est d'abord parce que il y a des croyances qui entourent les menstruations. Mm-hmm. On les dira, il ne faut pas approcher les garçons. Mm-hmm. Hein? On les dira, il ne faut pas que les garçons voient Les taches de sang sur les vêtements. Mm-hmm. Est-ce que vraiment c'est le bon message? Mm-hmm. Moi, je suis garçon, je suis médecin, j'ai déjà vu des taches de sang. Mm-hmm. Je restais fonctionnel. Et c'est normal. Et c'est normal. Mm-hmm. Alors, quel est le message pour moi que je peux donner à ces garçons, ce que normalement je l'ai dit? Mm-hmm. Votre responsabilité, c'est de savoir si une fille est dans cette période. Mm-hmm. Il ne faut pas d'abord la discriminer. Il ne faut pas être discriminé parce qu'on est dans la période des règles. Mm-hmm. Ça, ce n'est pas normal. Mm-hmm. Donc, une fille peut avoir ses règles à l'école. Mm-hmm. Elle est assise à côté d'un garçon. Mm-hmm. Et elle n'est pas en mesure de demander la permission, par exemple, mm-hmm. à l'enseignant mm-hmm. qu'elle est... Parce qu'elle a du mal à se lever. Mm-hmm. Le garçon est là. Mm-hmm. Donc si le garçon a compris, il peut pourquoi aller. Ne pas oui. y aller à sa place. C'est ça, il peut justement l'aider. En parlant d'école, il y a des jeunes filles qui s'absentent au cours. Est-ce que il faudrait une meilleure compréhension de leur état? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? C'est ce que je disais, la part des enseignants, des mm-hmm. écoles, mm-hmm. en fait, dans la bonne gestion de l'hygiène menstruelle. Mm-hmm. Il y a une étude qui a été menée par un rapport qui a été rendu par les Nations Unies. Il a qui dit que si on essaie de voir en Afrique subsaharienne, mm-hmm. il y a 20% de 20% du volume horaire mm-hmm. annuel que une fille mm-hmm. perd chaque année pendant ses menstruations. Mm-hmm. Donc elle s'absente parce qu'elle n'est pas en mesure de bien gérer les menstruations, surtout en milieu rural, de peur qu'elle soit discriminée par les garçons, de peur que les tâches à l'école ou parce qu'elle se sente mal, qu'elle mm-hmm. a des douleurs mm-hmm. pendant mm-hmm. les règles, tous ces facteurs là peuvent conduire à l'absentéisme à l'école. Mm-hmm. Donc on est là pour qu'il y ait une bonne scolarité mm-hmm. pour tout le monde. Mm-hmm. Donc la bonne gestion peut aller dans les objectifs mm-hmm. du millénaire pour le développement. Mm-hmm. Donc c'est une bonne chose. Mm-hmm. Pour ce qui est de partant de cette question de l'absentéisme en milieu scolaire, mm-hmm. Au sein de notre organisation, on a essayé d'aider les jeunes filles en fait pour la gestion. Mm-hmm. Il y a une serviette qu'on appelle Agateka, mm-hmm. qu'on fabrique au sein de notre organisation, mm-hmm. Qui est là, qui est vendue, qui est une serviette qui est lavable et mm-hmm. réutilisable. Mm-hmm. Donc, les jeunes filles peuvent les utiliser et aller à l'école. Mm-hmm. Pour ces jeunes filles qui ont des soucis pour ces gestions de hygiène menstruelle. Mm-hmm. Oui. À part, donc on comprend bien que vous avez déjà essayé à répondre aux besoins de ces jeunes filles. Oui. Mais pour mieux faire cette hygiène corporelle, oui. qu'est-ce qui doit être fait pour un bon accès à des protections hygiéniques au Burundi en général, quand on n'a pas droit à votre serviette hygiénique? Donc il faut qu'il y ait des sociétés, mm-hmm. des organisations, mm-hmm. Même le pouvoir public mm-hmm. va s'impliquer mm-hmm. pour aider à ce que il y ait une forte mm-hmm. accessibilité à l'école des jeunes filles, mm-hmm. pour que les jeunes filles ne s'absentent pas à l'école parce qu'ils sont en période de menstruation. Donc, mm-hmm. pour moi, les informer d'abord de la gestion, les informer de l'utilisation de ces tampons qui sont lavables et réutilisables, mm-hmm. et de sensibiliser. Mais quand même, on comprend qu'avec vos serviettes, il faut un changement de mentalité parce que ce sont des serviettes qu'on ne connaissait pas. Oui, ben, mm-hmm. oui, c'est à base de ces tissus-là connus. Mm-hmm. Donc, il faut un changement de mentalité pour comprendre qu'il y a d'autres objets qu'on peut utiliser, oui. à part les autres produits qu'on voit souvent dans les boutiques. Oui, même ces produits-là, j'ai pas dit qu'ils ne sont pas de bonne qualité, mais j'ai dit que... Mais les vôtres sont durables, par oui, rapport. Mm-hmm. C'est durable sur le plan économique, mm-hmm. donc c'est toujours rentable. Mm-hmm. Oui, mais les autres là, les commercialiser, j'ai pas dit que c'est pas de bonne qualité, mais j'ai dit que... Mais on parle par rapport à l'accessibilité, donc c'est question économie. Question économie, et mm-hmm. pour ces jeunes filles ou mamans qui font des réactions face mm-hmm. au cotex, mm-hmm. ils peuvent donc, utiliser... Donc les allergies... Oui, les allergies peuvent utiliser la serviette, mm-hmm. Agateka ou... Mm-hmm. serviette. Oui. Et il n'y aurait pas une contribution, par exemple, du ministère de la Solidarité, genre subvention, parce qu'on a déjà remarqué que sur terrain, ces produits hygiéniques sont très chers. Oui. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'un produit, un paquet de 1500, c'est pas un accès facile pour tout le monde. Oui. Donc, une subvention à l'endroit du ministère. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que le ministère, les bailleurs aussi peuvent s'impliquer pour aider à la gestion leur fournir un kit qui est adéquat, mais aussi au niveau des écoles. Pourquoi le ministère doit s'impliquer normalement? Parce qu'il faut, une bonne gestion. Il faut l'eau. Il faut de l'eau, il faut du savon, il faut un milieu intime, parce que les tampons peuvent se remplir étant à l'école, il faut les changer. Mais les changer où? Il faut de l'eau à l'école. Il faut un milieu qui est adéquat. Donc, la bonne gestion de l'hygiène menstruelle, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Oui, okay. À partant des élèves eux-mêmes, mais aussi jusqu'au niveau, jusqu'au sommet, le ministère et toutes autres personnes pouvant aider. Vous étiez en train d'écouter l'émission Forum Jeunes et aujourd'hui on était en train de parler du corps féminin et de son hygiène, surtout pendant la période des menstruations. On était dans le studio avec Dr Jean-Éric Ngawirano, coordinateur de projet de santé sexuelle et reproduction des adolescents et des jeunes Hinduka ou Hindurabandi au sein de l'organisation Santé, Communauté, Développement, SACODE en sigle. Merci Dr Éric d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. La mise en onde était assurée par Aimé Toussaint Mitewouti et l'animation, c'était Alida Ndaikeza. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, Forum Jeunes/Radio Isanganiro. À la prochaine.